elle est dans le bois, c'est lumineux, coquelicot, c'est le soleil plus matinal que tes jolis yeux, ma chérie. Qu'elle est dans le ciel, c'est écho, ce cocorico, c'est la chanson d'un jeune coq qui chante sur une prairie. Quelle est cette goutte sur la joue de cette fleur, c'est la rosée qui met partout, qui met des larmes de bonheur. Quelle est cette ardeur qui vient avec le quai printemps, ouvre les yeux, réveille-toi, la nature a 20 ans. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis ali ali ali à bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle et va-t'en courir sur les chemins qui sont de la nature les lignes de la main. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi sur la clairière et n'assieds pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps est court, qu'il faut penser à l'amour. Ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour et dis adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière et n'assieds pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps est court, qu'il faut penser à l'amour. Ton cœur est ta fenêtre au jour et dis adi, adi, adi, adi, bonjour. Denise, Clarita, Nicole, ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour et dis adi, adi, adi, adi, bonjour. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis adi adi adi à bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle et va t'en courir sur les chemins qui sont de la nature les lignes de la main. Ouvre ta fenêtre au jour, ouvre ton cœur à l'amour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis adi adi adi à bonjour. Adi, adi, adi, à bonjour.